Ça donne. Ma première question est, comment est-ce que vous avez trouvé de la musique? Comment j'ai trouvé la musique? Oui, ou comment c'est... C'est... Comment je suis entré dans la musique, quoi? Comment je suis arrivé dans le monde de la musique? Ça, c'est une grande question. Parce que ça date de très très longtemps. J'étais tout petit, quand j'étais très jeune. D'abord, mon grand frère, j'avais un grand frère, c'est l'aîné de la famille, il était bassiste. Bon, mais moi, j'étais tout petit, vraiment, j'avais peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Alors, à la maison, il avait des guitares. Moi, quand je voyais les guitares, j'étais impressionné. J'étais tout petit. Garçon, et quand je voyais les guitares dans sa chambre, j'entre et je cours. Donc le son de la guitare que ça faisait, ça, c'était agréable. Oui, ça vous attire. Voilà. Wow. Mais ensuite, lui il est décédé, mais je ne sais pas, j'ai continué à aimer la musique, la guitare. Et ça m'a marqué. Je pense que cela a influencé mon envie de devenir musicien. J'étais tout petit et ça m'a marqué. Alors quand je suis arrivé à un certain âge, peut-être vers 12 ans, 13 ans, j'aimais toujours et encore la guitare. J'ai fabriqué une petite guitare avec des boxes comme ça en fer. Et je mets un manche comme ça, je plains dedans, dans le box. Et je mets un bois, un wood, un bois. Je mets des strings. Ouais. Et je faisais tout ce que je pouvais avoir comme son. Et c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Finalement, bon, j'ai commencé à jouer sur de vraies guitares, à apprendre toujours, tout seul, sur une vraie guitare. Et voilà, c'est parti. Tout seul. Wow. Excellent. Tout seul par oreille. Oui, moi je joue pas, je n'écris pas la musique, je ne lis pas la musique. Oui. Comme beaucoup de Sénégalais, on joue seulement avec l'oreille. Voilà. La notation est plus tout à fait occidentale. Tout à fait. Ouais. Je connais par contre, des amis, j'ai des amis qui sont des professionnels aussi. Mais qui écrivent et lisent la musique, pardon. Ils sont à l'Orchestre National du Sénégal. Ah, ouais. Ils sont plus âgés que moi aussi. Ouais. Mais c'est des amis à moi. On a travaillé un peu ensemble et ils m'ont même donné appris un peu comment lire certaines choses. Mais moi, je ne fais pas de solfège. Vraiment, je ne lis pas de solfège. Je lis seulement peut-être la tablature et aussi. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode de la tablature. Oui. Tablature. Ça, c'est plus comme pour des gens qui jouent des guitares. Okay. Mais... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est comment tu peux le lire? Tab. Tu peux le lire? Moi, je ne peux pas le lire, je suis un pianiste. C'est comment je commence à apprendre la guitare. La tablature. Ouais, c'est ça. Ça, je connais. Ça, je vais lire la tablature et tout ça. Mais le solfège, je ne connais pas. Je lis pas, je regarde comme ça. Voilà. Ça, ce truc-là. Si on écrit d'oreille, je ne connais pas ça. Les lettres, comment déchiffrer une partition musicale. Eux, ils font ça, c'est leur travail. Ils ont des diplômes et ils sont même des musiciens de l'État. Ils travaillent pour le gouvernement. C'est des musiciens du gouvernement. Ils ont leur salaire. Ils ont des bureaux, des sièges et tout. Ouais. Et quand il faut représenter le Sénégal, c'est eux qu'on amène tout ça. Mais moi, je n'ai pas fait le solfège. Je fais la tablature, mais pas le solfège. Ouais. Mon père, il est en train d'apprendre comment jouer le piano. Mm-hmm. Et il y a un prof, il était là. Mm-hmm. La nuit dernière, et il utilise sa flèche, et aussi mon père il est en train d'entendre comment lire la musique aussi. Ok. Et il y a un petit piano. Et de musique classique occidentale, comme ça. Je vois. Ouais. Je vois. Ouais, moi, je veux bien apprendre le solfège, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de travail. Et quand je descends, je dois travailler avec mes enfants pour l'école. Quand c'est fini, j'ai des classes en freelance. Quand je finis, c'est les répétitions, ou bien il me faut composer quelque chose, donc j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai toujours, tout le temps, quelque chose à faire. Tout le temps. J'ai toujours quelque chose à faire. J'ai mon propre groupe. My own band. Ouais. J'ai mon propre groupe et mon propre matériel à la maison. Je dirige mon groupe, un groupe de quelques musiciens. Mais malheureusement, avec le Covid, les choses sont en stand-by avec Covid. Donc ça commence un peu, les activités reprennent un peu petit à petit, mais oui. Ça a été très difficile pour les musiciens, très très difficile pour les musiciens. Pendant 2 ans, ouais. Ben, oui. Depuis Covid jusqu'à maintenant, ça fait presque 2 ans que les choses sont en stand-by. C'est le tous les musiciens, c'est partout le monde. Partout dans le monde, c'est ouais, ça. Partout. C'est ça. Bon, moi j'ai eu de la chance peut-être que je suis musicien et professeur de langue. Je parle 7 langues et j'enseigne 5 langues, le français, le wolof, poulard, mandinka. Et bon, le poulard, il y a 3 variantes. Donc mandinka, wolof, français et les 3 poulards. Donc si j'enseigne les 6 langues. Donc j'ai la chance d'être un professeur et aussi je suis consultant linguistique avec des centres d'appel, quelque chose comme ça, et une structure qui s'appelle Viamo, Improving the Life via Mobile. En disant que ça, Viamo. Je suis leur consultant en langue. Je fais les traductions, les transcriptions en langue et tout ça, oui. Comme je parle cette langue. Donc, j'ai eu la chance un peu, même s'il y avait le Covid, de travailler un peu. Mais les autres musiciens, ils ne sont que musiciens. C'était très, très difficile. Ça a été difficile même pour moi, mais pour eux aussi. Parce que moi, j'ai perdu du travail. J'étais avec SIT, School for International Learning, avec CIEE et avec Viamo. Mais tout est comme ça, à cause de Covid. Ouais. Est-ce que vous croyez que c'est plus commun d'être un musicien avec des autres travail ou d'être un musicien seul? Est-ce que c'est plus commun? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont un travail et de musique, mm-hmm, ou juste la musique? Non. Et la majorité des musiciens sénégalais ne font que la musique. Ouais. Bon, ça peut être une chance, mais ça peut aussi être une malchance. Ouais. Dans le cas spécifique de pandémie, ça a été très difficile pour eux. Donc, nous, qui sommes musiciens et qui sommes travailleurs, on a eu un peu plus de chance. Parce que les autres, c'était difficile. Certains ont été chassés de leur maison. Ils ne pouvaient pas payer leur loyer, leur rente. They can't pay. Ils ne peuvent pas payer parce que c'était la musique seulement. C'est difficile de vivre quand on a un seul métier et que le métier-là est en stand-by. Donc, mais majoritairement, les musiciens, plus de musiciens, sont seulement musiciens. Oui, la majorité. Ils sont seulement musiciens. Et pour vous, est-ce que la musique est plutôt comme un passe-temps ou quelque chose que vous faites régulièrement pour l'argent avant le Covid? Non, c'est pas du passe-temps parce qu'on est professionnel. Quand on est professionnel, pour moi, c'est mon travail. Donc, comme c'est mon travail, ce n'est plus un passe-temps. Je ne le fais pas pour la passion. Je peux même dire que pour moi, la musique a été mon premier travail. mon premier métier. Parce que je suis musicien depuis le collège. Depuis le collège, je suis musicien. J'ai eu à gagner un peu d'argent au début parce que c'était un petit groupe dans les régions avec de petits contrats. Donc, mais quand même, j'ai eu un peu d'argent alors que j'étais encore au collège. Donc, j'ai commencé, si je peux dire, à travailler dans la musique avant même de terminer mes études à l'université. Donc, j'étais musicien au collège, puis au lycée, puis à l'université. Il y avait un orchestre là-bas à l'université. Et quand j'ai intégré l'orchestre de l'université aussi, c'était pas pour la passion. Et c'est ça qui a continué. Donc aujourd'hui, si j'ai acheté du matériel de musique, c'est que je ne me considère pas comme un amateur, pas comme ou bien un passionnel. Je suis dans la musique en tant que professionnel, donc en tant que quelqu'un qui considère que la musique c'est son métier. Pour moi, c'est mon premier job. Maintenant, l'enseignement, si on suit l'ordre chronologique, je suis musicien d'abord et après je suis devenu professeur. C'est comme ça. Donc la musique, c'est pas seulement une passion, c'est un métier pour moi. C'est un job, c'est mon travail, etc. Et pour vous, comment vous faites de la répétition personnelle? C'est quoi une session de répétition pour vous? Une session de répétition. Une session de répétition, c'est l'opportunité qu'on a de, après avoir composé une musique, excusez-moi, je cherche quelque chose pour vous. Après avoir composé une musique, pour moi, c'est pas seulement la composition qui est importante, mais après la composition, ça dépend si c'est moi qui ai composé ou on a. On a besoin de répéter. La répétition, c'est l'essentiel quand on veut aller loin dans la musique. Pour moi, un groupe qui ne répète pas ne donnera pas, il ne produira pas un maximum. Si on veut donner le maximum de son potentiel, il faut des répétitions. Parce que pour moi, les répétitions, on peut connaître la musique, mais c'est mieux de répéter pour bien arranger, aligner la musique et qu'il n'y ait pas de faille. C'est bien d'improviser, mais pas toujours. Moi, je ne suis pas. Je n'aime pas trop improviser. Parce que s'il faut improviser en général, c'est pour soit de la musique de partition. Faut improviser si on écrit, si c'est écrit et que la personne est là. Mais sinon, si on improvise sans la partition musicale et sans répétition, on va jouer de la musique en one way. Il y aura pas. Et moi, j'aime pas la musique monotone. Quand c'est one way, pour moi, c'est monotone. Je préfère la musique avec des arrangements, des mélodies, des harmonies. C'est plus agréable. Bon. Mm-hmm. Ouais. Avec ton groupe, qu'est-ce que vous faites comme concert? Avec mon groupe? Ouais. Bon. Avec mon groupe, moi, comme je suis dans l'enseignement, comme professeur, j'ai eu la chance, ou bien ça va être le hasard. Je travaille avec trois programmes Study Abroad. Comme je l'ai dit, quoi, SIT, ici. Oui, ici à Dakar, SIT, CIE, et aussi un Gabriel, un Bridger programme qui est ailleurs. Alors, au début, c'est ces programmes-là, comme vous, quand les étudiants arrivent, à la fin du programme, du semestre, il y a un dîner qui est organisé, on fait le dîner. Une fête finale qui pour marquer la fin du programme, oui, du semestre. Et le directeur engage mon groupe. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont poussé. Ils qui m'ont encouragé à acheter, à trouver du matériel moi-même. Parce qu'avant, on prenait, c'est ça, c'est une partie, quelques instruments chez moi à la maison. Oh, wow. Voilà. Ça, c'est quelques instruments qui sont déjà là. Et c'est encore là. Djembé, guitare, basse. Guitare solo. Voilà. La batterie derrière Yamaha, qui est là, qui est toujours là. Ça, c'est. De batterie, ouais. Et ça, c'est la batterie qui est là, toujours. Et encore, c'est toujours une partie, c'est pas tout qui est là, c'est juste une partie de backline en général qui est dans le couloir à la maison parce que je ne pouvais pas tout ranger là-bas. C'est un peu ça. Alors, pour moi, c'était ça. Bon, ça, c'est à Yaoundé, au Cameroun. Je suis allé là-bas pour un workshop pour les professeurs de langue. Oui. Et ça, c'était dans un restaurant à Yaoundé où j'ai fait une production. Oui. Au Cameroun, je ne sais pas si vous connaissez un peu le Cameroun. Oui. Oui. Ah, c'est ça. Ça, c'était à Yaoundé dans un restaurant. Le fond revenu du Cameroun, oui. Donc, c'est toujours le même, la batterie et quelques barres pour le backline. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, on joue souvent, moi, si c'est avec mon groupe, les prestations qu'on faisait, c'était beaucoup plus privé. Beaucoup plus privé. C'était des gens ou une structure qui engageait le groupe pour faire un dîner, pour animer pour le dîner pendant que l'orchestre joue, les gens sont là, ils mangent, ils boivent. Restaurant, etc. Beaucoup plus. Ça peut être aussi dans un jardin, ça peut être dans un jardin public, pas public, mais un jardin privé autour de la piscine. L'orchestre joue, les gens sont à côté en train de manger pour faire la fête. Donc, voilà, c'est un peu dans ce cadre-là que nous avons joué avant Covid. Ah. Donc, vous n'avez pas beaucoup de concerts à ce moment-là. Non. Depuis Covid, je pense qu'on a joué deux fois. C'est aussi dans les restaurants vers les Almanies. Et ça, c'est toujours privé. C'est après la troisième vague, les gens étaient stressés, fatigués. Bon, finalement. On a eu la chance, les gens ont commencé à sortir un peu. Même s'il y avait Covid, les gens se disent non, on est fatigué, on va aller au restaurant, parce que tout était fermé. Mais après, on a commencé à laisser les gens jouer un peu. Je pense que depuis 2 ans, on a joué que 2 fois. Ouais, 2 fois seulement. Wow. C'est clair que vous aimez la guitare et la batterie. Vous avez des instruments préférés? Non, moi je suis ça c'est un peu dans ma nature, hein. J'aime pas la monotonie. J'aime pas être seulement à la basse. Je veux être aujourd'hui là-bas, ici là-bas, demain là-bas. C'est pourquoi j'apprends. Tout ce que je vois, j'apprends. Donc, vous aimez beaucoup d'être. Voilà, c'est ça. Moi j'aime pas la monotonie. Même les langues. Voilà, c'est ça. Donc les instruments, c'est un peu ça. Je joue un peu la batterie, un peu le piano. Si j'ai l'opportunité d'apprendre la flûte ou le saxo, je vais apprendre. Wow. C'est sûr. Je joue un peu le djembé, mais ce n'est pas mon instrument, tout ça. Ouais. Mais si j'avais l'opportunité d'apprendre tous les instruments, je le ferai. Ah ouais. Apporter une flûte avec moi. Vous avez apporté une flûte? Oui, si vous voulez essayer. Oui. Je vais essayer un jour. Parce que moi, j'aime apprendre tous les instruments. Aujourd'hui, je veux vraiment, surtout les instruments à part, flûte, saxo, etc., qui sont en train de, ici au Sénégal, de disparaître. Ah oui? Oui, surtout les saxos. Il n'y a plus, il y avait quelques saxophonistes. Mais aujourd'hui, les saxos ont presque disparu. Il n'y a pratiquement que les salseros, les gens qui jouent de la musique cubaine. Ouais. La salsa qui ont des groupes comme ça qui ont encore les instruments à vent ou les flûtes. Mais pour le reste, bon, les instruments à vent, ils ne les utilisent plus parce qu'on veut utiliser le keyboard, le piano, ouais, le piano keyboard. Pour jouer les flûtes dedans. Et ce n'est pas naturel. Moi, je n'aime pas tellement le son qu'on peut produire avec le piano pour faire des instruments à vent. Ce n'est pas naturel. Ça ne sonne pas vraiment ça. Les gens préfèrent d'utiliser le piano au lieu des instruments à vent. Bah, non, utiliser les. Vous savez, dans le piano, vous pouvez produire les sons. Oui, oui. Les gens préfèrent ça au lieu de. Aujourd'hui. Ah oui, oui, voilà. Un faux saxophone. Voilà. Avec un keyboard, voilà. Ils préfèrent ça. Et même la basse. Même la basse, ils font ça. Voilà. Et c'est pas naturel. Quand tu écoutes bien un bassiste qui joue et le clavier, le piano, quand on joue la basse, là, c'est pas la même chose. Non, c'est complètement différent. Moi, je n'aime pas en tout cas. Mais les gens le font pour réduire le nombre de musiciens. Parce que des fois, il y a des groupes qui ne veulent pas avoir une grande, peut-être beaucoup de musiciens. Pourquoi? Parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Alors, quand c'est un petit groupe, c'est encore peut-être avec un peu d'argent, chacun peut avoir un peu. Mais quand c'est un grand groupe avec un peu d'argent, c'est presque rien. Ouais. Et c'est à cause de ça qu'ils préfèrent le pianiste. Et bassiste, pianiste et saxophoniste. Donc, lui seul, il capitalise 3 ou 4 musiciens déjà. Il joue à la place de toutes ces personnes. Après, il y a la batterie là-bas, il y a même, c'est même la programmation sur le piano, on le fait. La batterie est programmée. Oui. Pour ça, c'est pour réduire le nombre de musiciens. Mais c'est toujours pas naturel. Parce que c'est pas vraiment du live. Oui. Moi, je suis un musicien de live, quoi. Je préfère quand c'est joué par des musiciens. Ouais, tu fais pas. Ouais. Pas des scènes. Voilà, c'est ça. Parce que quand tu programmes, c'est tellement métallique que tu sens que ça, ce n'est pas naturel. Ouais. Je préfère jouer avec de vrais musiciens. Avec de vrais musiciens. Comme ça, chacun a son instrument, on joue, on répète, on met les. On fait la composition, ensuite on fait les arrangements et on joue. Voilà. Bon, est-ce que vous aimez écouter la musique pré-enregistrée avec le téléphone et... Oui, oui. Bon. Pour écouter, parce que ça enrichit. Moi, j'aime découvrir et apprendre surtout. Ah, ouais. J'aime découvrir et apprendre parce que pour moi, je me dis que jusqu'à ce moment, il y a des choses que je ne connais pas, c'est normal. Il y a beaucoup de choses sur l'internet et c'est tout facile. Voilà, ça c'est vrai, c'est ça. Donc je ne suis pas contre, je peux écouter pour découvrir et apprendre. Parce qu'un bon musicien, il faut écouter tout ce que tout ce qu'il y a comme musique. J'écoute toutes les sortes de musique. Maintenant, je ne peux pas faire certaines musiques, mais je peux les écouter. Le rap par exemple, je connais rien au rap. Le hip-hop, ouais. Je peux écouter. Peut-être à cause du beat, à cause du rythme, à cause de la musique ou à cause des paroles. Ouais. Mais je ne peux pas faire du rap. Moi, j'ai fait 33 ans dans la musique. 33 years. Mais je ne peux pas faire du rap. Ouais. I can't. Ouais. J'écoute la musique cubaine, reggae, R&B, jazz. Je peux écouter tout ça. La musique arabe, la musique indo, tout ça. Parce que ça enrichit, ça aide beaucoup. Ok, je crois qu'on n'a plus à demander, mais oui, c'est excellent de parler, je crois. Oui. Merci beaucoup. Merci. Déjà. Voilà. Si on a des questions après ça, est-ce que nous pouvons vous contacter? Je suis à votre disposition. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Excellent. C'est gentil. Ah, il n'y a pas de souci. Et puis-je vous poser au moins une question à chacun? Puis-je vous poser à chacun au moins une question? Oui. Ok, on va commencer par vous. Vous jouez de quel instrument déjà? Je joue la clarinette. Ah, tu joues de la clarinette? Oui. Ok. Ah, d'accord. Cool. Tu as fait la clarinette depuis combien d'années déjà? Depuis, je sais pas, il y a 10 années. 10 ans? Oh. Oui, 10 ans. Tu dois être un maestro. Pas vraiment. 10 ans avec un instrument, c'est quelque chose. Et vous? Je joue de la flûte et de la guitare. Oui, c'est. Ah oui, c'est. Ah, tu joues de la guitare aussi? Ouais. J'ai vu sur ton profil WhatsApp une flûte. Tu as une flûte sur ton WhatsApp. Ok, cool. Et tu as fait la flûte combien d'années déjà? 10 peut-être. Wow. Toi aussi, tu as été un maestro. Et la guitare, combien d'années? Peut-être 12, c'est un peu plus que la flûte. Wow, cool. Wow. Et après les professionnels, ils disent vous? Ouais, ouais, moi je suis pianiste, je peux jouer aussi un peu de trompette et trombone. Mais oui. Et j'ai joué le piano pendant 14 ans. Wow, ah, c'est des professionnels, ça se voit, super. Ça c'est cool. Ouais. Merci. C'est super. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Ben, là, mon numéro, si vous voulez aussi, vous pouvez partager mon numéro. Et ouais. Individuellement, si vous voulez me parler, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre mon numéro et pour facile. Mon numéro, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Je suis là presque tous les jours. En tout cas, jusqu'au mois de mai. Excusez-moi. Jusqu'au mois de mai. Normalement, peut-être même juin. Ou bien je suis là. Vous êtes là jusqu'à quand? On parle 6 juin. Le début juin. Ok, début juin. Donc, jusqu'à votre départ, appelez-moi quand vous voulez. S'il y a des choses dont vous avez besoin, si moi je ne peux pas répondre assez à vos attentes, je peux vous mettre en rapport avec des gens. Par exemple, sur le solfège, moi je n'écris pas, je ne lis pas. Mais je connais des gens. C'est leur travail, ils ont des diplômes. Sur le solfège. Ouais. C'est pourquoi ils sont musiciens de l'État. Ils lisent toutes les musiques du monde. Ils font toutes les musiques, ils écrivent toutes les musiques arabes, cubaines, jamaïcaines, chinoises, japonais. Ils jouent avec tout le monde. C'est des professionnels qui voyagent, qui vont partout dans le monde. Pas comme moi. Moi, je ne lis pas, je n'écris pas. Donc, j'ai leur numéro. Ils sont à l'Orchestre National. Vous connaissez un peu après l'université Cheikh Anta Diop. Oui, l'école nationale des arts. L'orchestre national, voilà, c'est ça. Pas l'école, mais l'orchestre. Les gens qui quittent l'orchestre national, l'école nationale des arts, il faut passer par là-bas pour pouvoir être recruté à l'orchestre national. L'orchestre national. L'orchestre national, c'est l'orchestre pour le Sénégal. D'accord. Ils sont là-bas et c'est des gens avec qui je peux vous mettre en contact. J'ai leur numéro pour certains. Ouais. Il n'y a pas de souci.